LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Cette série va vous raconter une histoire, une très vieille histoire. Celle de l'exploration du ciel, des planètes et des étoiles, une histoire de l'astronomie. Explorer le cosmos est un désir ancestral. Se figurer la Terre d'abord, puis le système solaire, la galaxie et enfin l'univers. Un défi que les astronomes d'hier et d'aujourd'hui relèvent en sondant toujours plus loin l'univers pour en dessiner la carte. Avant les télescopes, avant les satellites et avant même les premières lunettes, cette odyssée démarre par un simple regard porté sur notre monde, la Terre. Un premier regard vers l'horizon, face à l'océan. Les cosmographes. Céline Lozen, Marie Placet. Nous sommes dans l'univers. Nous ne connaissons qu'un seul univers. Et nous le voyons depuis un point précis qui est ici, aujourd'hui. On projette notre désir de voir une harmonie dans l'univers et on le teste. On se demande, est-ce que l'univers est réductible à des lois universelles ou pas? C'est pas obligé. Donc, faudrait imaginer quelqu'un qui fait de la chimie, et puis il est dans la bassine dans laquelle les réactions chimiques se passent. Ça pose des limites à ce qu'on va être capable d'expliquer. Il pourrait très bien être beaucoup plus complexe et totalement inaccessible à notre cerveau. Einstein lui-même disait qu'il était surpris par la capacité du cerveau humain de comprendre l'univers. La question qui se pose, c'est jusqu'où? Et est-ce qu'on va rencontrer la limite de notre projection narcissique sur l'univers d'une harmonie lorsqu'on va être confronté à des défis? Premier épisode, l'œil par-delà les globes. It's true, the Earth is flat. C'est vrai, la Terre est plate. Shaquille O'Neal, basketteur américain. Shaq, what are you talking about? The Earth is flat. Shaq, de quoi tu parles? La Terre est plate. No, it's yes, not. Non, is. Elle ne l'est pas. Si, elle no. l'est. Le monde n'est pas plat, nous avons vu la Terre. Non, on n'a rien vu du tout. Si, nous l'avons vu par les images satellites. Moi, je dis juste que quand je roule de la Floride jusqu'à New York, c'est plat. De New York à Seattle, plat. De Seattle à Los Angeles, plat. Et de Los Angeles jusqu'en Floride, plat. C'est un carré. Pourquoi est-ce que c'est plus crédible pour vous? Utilisez vos yeux, tout semble plat. Mike Hughes, ça a été prouvé. Ingénieur. Par exemple, au milieu de ce pays, il y a le Kansas. C'est plat. Vous préférez croire vos yeux plutôt que la science? Oui. Croire ce que disent nos yeux ou croire ce que dit la science? La question n'est pas de croire ou de ne pas croire. La science n'est pas une affaire de croyance, mais bien de raisonnement, d'empirisme et d'observation. Très localement, c'est vrai, notre point de vue révèle un terrain plat. Alors, comment se défaire du regard, borné à une infime portion d'espace, pour se figurer la forme de la Terre? Plate, ronde ou carrée? L'astronomie est une des sciences les plus anciennes. Par l'observation du ciel, elle nous a livré quelques indices. Pardon. Nous partons les découvrir, là où les savants observent le ciel depuis 3 siècles. L'Observatoire de Paris. Bon, c'est un peu glissant et casse-gueule, hein. Direction La Coupole, avec Alain Riazuelo pour s'isoler du temps et plonger dans l'histoire. Cette coupole abrite ce qui fut, je crois, à l'époque, la plus grande lunette astronomique du monde, qu'on appelle la lunette Arago, dont la construction doit remonter au milieu du 19e siècle. Et donc cette lunette, qui est évidemment un objet de musée, est encore fonctionnelle et donc... De temps à autre, en fonction des possibilités qu'offre généreusement l'Observatoire de Paris, quelques privilégiés ont la possibilité d'observer depuis ici. Alors évidemment, depuis Paris, on ne peut pas observer le ciel profond, c'est-à-dire des objets diffus et peu lumineux, mais on peut observer au moins les planètes. Et avoir le privilège de le faire depuis cet instrument chargé d'histoire, c'est évidemment quelque chose de très précieux. La forme de la Terre, c'est une interrogation qu'on peut qualifier de fondamentale. Tout le monde s'est posé cette question. Alors c'est une interrogation qui n'avait pas forcément d'impact sur la vie de tous les jours. Ce qui intéressait les gens, c'était d'avoir la carte de leur territoire qui n'était rarement suffisamment étendue pour que la forme de la Terre joue un rôle. Mais évidemment, la question de la forme de la Terre s'est posée très tôt dans l'histoire et relativement tôt, on a eu des réponses, puisque dès l'Antiquité grecque, on a Aristote qui écrit noir sur blanc quelles sont les preuves que la Terre est ronde. Et on n'a pas d'indication qu'il est même le premier à avoir trouvé ces preuves. Sans doute compile-t-il un savoir déjà préexistant, et peut-être que la réponse à cette question était connue avant lui, voire d'autres civilisations, notamment mésopotamiennes, dont on ne connaît pas tous les résultats obtenus. Mais pour ce qui est de celui qui l'a écrit noir sur blanc, c'est Aristote au 4e siècle avant notre ère, c'est-à-dire il y a presque 2400 ans. Aristote va donner plusieurs arguments pour prouver la rotondité de la Terre. Alors le plus connu, c'est celui du bateau qui, quand il disparaît à l'horizon, voit sa coque disparaître avant que le haut du mât ou les voiles disparaissent, ce qui donne explicitement l'indication que la Terre est courbée dans le sens de la profondeur. Aristote évoque aussi le fait que la hauteur des étoiles varie du lieu d'observation et que, alors à l'époque, l'axe de rotation de la Terre n'est pas aligné avec l'étoile polaire, mais supposons que ce soit le cas, il dit essentiellement que plus vous allez au nord, plus l'étoile polaire est haute sur l'horizon et plus vous allez au sud, donc par exemple depuis la Grèce jusqu'au nord de l'Égypte, voire au sud de l'Égypte actuelle jusqu'à Assouan, eh bien plus l'étoile polaire est basse sur l'horizon, ce qui vous dit que la Terre est incurvée au moins dans la direction nord-sud. Et ce que Aristote invoque comme argument massu et d'une rare élégance, c'est que pour mesurer la forme globale de la Terre, il n'y a pas besoin d'en faire le tour, il n'y a pas besoin de s'éloigner de la Terre pour prendre le recul dont on aurait besoin pour ça, il suffit de regarder l'ombre de la Terre. Et à ce moment-là, on comprend assez facilement ce qu'est une éclipse de Lune. Une éclipse de Lune se produit au moment de la pleine Lune, et en environ une heure, la Lune s'obscurcit complètement, parce que la Lune entre dans l'ombre de la Terre qui empêche la Lune d'être éclairée. Et Aristote fait remarquer que, alors on ne voit pas la totalité de l'ombre de la Terre parce que la Terre est plus grosse que la Lune, donc la Lune ne sonde qu'une petite partie, si vous voulez, de l'ombre de la Terre, mais la partie de l'ombre de la Terre est toujours une portion de disque. Et donc, dit Aristote, un objet qui, quelle que soit la direction dans laquelle il est éclairé, projette une ombre qui est circulaire, eh bien c'est un objet qui est sphérique. Donc la démonstration d'Aristote est remarquable, puisque sans sortir de chez vous, les orteils en éventail sur votre chaise longue, il vous suffit d'attendre une éclipse et de constater que la portion d'ombre de la Terre que vous voyez est bien celle que projetterait un objet sphérique. Et c'est vrai pour la première éclipse que vous allez voir, pour la seconde éclipse, pour la troisième éclipse, que la Lune soit plein sud, que l'éclipse se produise au levant au moment où la Lune se couche ou se lève, donc qu'elle soit plutôt à l'est ou à l'ouest, quelle que soit la position de la Lune dans le ciel, quelle que soit donc la direction dans laquelle la Terre est éclairée par le Soleil, elle projette toujours une ombre circulaire, donc c'est une sphère. Elle veille sur nos nuits depuis la création du monde. Elle nous surveille et nous empêche de profiter du noir. Regardez-la bien. C'est la dernière fois que vous la voyez comme ça. Que je suis devenu astronome. De la Lune ? Périodiquement, la Lune rentre dans l'ombre de la Terre et on a remarqué, pas seulement qu'Aristote, hein, des astronomes contemporains comme Méton, Eudoxe de Cnide, etc., que lorsque la Lune rentre dans l'ombre de la Terre, on voit la forme de l'ombre sur la Lune, et cette ombre de la Terre sur la Lune est sphérique, d'où l'on déduit que la Terre est sphérique. Et on pourrait dire que tous les ouvrages grecs d'astronomie successifs ont pour adage la même phrase « Le ciel est sphérique et se meut à la manière d'une sphère ». Denis Savoie, historien des sciences à Universcience et chercheur à l'Observatoire de Paris. Alors en fait, après Aristote, le seul auteur, on va dire, antique dont on connaît bien les travaux, c'est Ératosthène. On le connaît par deux sources. Une secondaire qui est Strabon, et la source la plus sûre qui nous rapporte les travaux de Ératosthène, c'est un auteur tardif, on ne sait pas encore très bien situé, on pense qu'il est du 2e, 3e siècle de notre ère. Il écrit en grec un ouvrage qui s'est traduit en latin à la fin du 15e siècle, De motu circulari, la théorie élémentaire, et c'est dans cet ouvrage que Cléomède rapporte l'expérience effectuée 5 siècles plus tôt par Ératosthène. Alors Ératosthène, c'est un astronome, géographe, mathématicien qui vit dans le grand foyer intellectuel de l'Antiquité, Alexandrie. Et Ératosthène, évidemment, sait que la Terre est ronde et il va s'engager dans la mesure de sa circonférence. Alors à l'époque, pratiquement le seul instrument d'observation que l'on possède, c'est le gnomon, c'est-à-dire un simple bâton vertical. Et il va utiliser une particularité, il sait que dans le sud de l'Égypte, il y a une ville qui s'appelle Sienne, aujourd'hui ça s'appelle Assouan, et que le jour du solstice d'été, le soleil est au zénith de Sienne. Alors en fait, c'est une approximation parce que Sienne n'est pas tout à fait sur le tropique du Cancer, mais bon, c'est quand même pas mal. Et donc, ce qu'il veut, Ératosthène, pour mesurer la circonférence de la Terre, c'est mesurer à la fois un arc, la distance entre Alexandrie et Sienne, et mesurer un angle, la différence de latitude entre Alexandrie et Sienne. Alors pour l'arc, il va estimer plutôt la valeur à 5000 stades. On pense qu'il n'a pas fait lui-même le voyage alexandricienne. Aujourd'hui, ça fait 800 km. On pense que ce sont des mesures qui sont rapportées par les gens qui parcouraient le Nil. Par contre, il va faire une mesure avec le gnomon. Donc, pour bien vous imaginer ce qu'a fait Ératosthène, il est à Alexandrie. Alexandrie, c'est 31 degrés de latitude. Donc, vous êtes aujourd'hui, hein, le 21 juin, jour du solstice d'été, vous plantez un gnomon parfaitement verticalement. Donc, comme on est bas en latitude, au solstice d'été, je peux vous dire que le soleil va monter très très haut. Donc, l'ombre de votre bâton, de votre gnomon, va être très très courte. Et c'est cette ombre-là projetée au sol à midi solaire que vous allez mesurer. Donc, ayant la longueur de l'ombre et la longueur du bâton, on en déduit la hauteur du soleil. Et ça donne 90 moins 7 degrés 12 minutes, c'est ce qu'utilise Ératosthène, comme hauteur à Alexandrie. Par contre, si au même instant vous étiez sur le tropique du Cancer, donc à 23 degrés 26 minutes de latitude nord, le jour du 21 juin, comme le soleil est au zénith à midi, ben votre gnomon ne projette pas d'ombre. Donc du coup, c'est ce qu'utilise comme principe Ératosthène. En fait, il fait une simplification, parce qu'il fait ça le 21 juin, parce qu'au tropique du Cancer, il n'y a pas d'ombre. Mais je l'ai dit, il dit aussi, enfin ce que rapporte Cléomède, on pourrait faire l'expérience au solstice d'hiver. À ce moment-là, l'ombre serait plus longue. Ça serait peut-être mieux d'ailleurs, parce que c'est très difficile de mesurer une ombre très très courte. Et donc du coup, c'est une expérience assez géniale. Le principe est simple, on mesure la différence de latitude entre deux villes, mais qui sont situées sur un même méridien. Voilà. Et puis, vous utilisez, évidemment, il faut mesurer la distance entre ces deux villes. Alors, il y avait des arpenteurs, quand même, du désert, hein, qui avaient utilisé Alexandre le Grand dans ses conquêtes, qu'on appelle des bématistes, et qui comptaient leurs pas, comme ça, sur des distances considérables. Et voilà comment Ératosthène a une assez bonne idée des dimensions de l'Égypte et de la distance qui sépare Alexandrie et Sienne. C'est pas du calcul très précis, mais ce qui est génial à voir dans cette expérience, c'est qu'avec un simple bâton et un peu de mathématiques élémentaires, on arrive à mesurer la circonférence de notre planète Terre. Ça, c'est absolument génial. Je fais souvent le même cauchemar. Je m'approche de la Terre, je l'entoure de mes bras. Elle est vraiment grande. J'étire mes bras, je suis sur le point d'y arriver. De l'autre côté de la Terre, mes doigts se rapprochent. Ils vont se toucher. À ce moment, une force terrible les repousse. La terre enfle. Je résiste. Je serre de toutes mes forces. Je n'y peux rien, mes bras s'écartent. Elle grandit, grandit. Mes doigts glissent. J'essaie de planter mes ongles dans la terre. Je n'entoure plus que la moitié, que le tiers, que le... Je n'entoure plus rien du tout. Le rêve d'Ératosthène, Denis Gage. Alors en fait, on est très tributaire pour la mesure d'Ératosthène, dont pratiquement aucun ouvrage ne s'est parvenu, sauf un ouvrage qu'on appelle les catastérismes, mais encore il est contesté. Donc on est très dépendant de Cléomède, qui vit quand même 5 siècles après lui, pour nous rapporter cette expérience. Et on voit finalement que c'est plutôt une estimation, et ses successeurs vont être embarrassés parce qu'il exprime cette circonférence de la Terre, 250 000 stades, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Et du coup, il y a des auteurs plus tardifs, comme par exemple au 9e siècle, un astronome arabo-perse Al-Mamoun, qui va vouloir lui aussi utiliser la circonférence de la Terre dans ses expériences, et qui se retrouve devant Ératosthène et qui dit « mais ça fait combien stades ?» Donc il va refaire l'expérience d'Ératosthène à côté de Palmyre, en Syrie, en mesurant 1 degré d'altitude. Et finalement, cette valeur de la circonférence terrestre, elle est très importante parce qu'elle permet d'obtenir le rayon. Et en astronomie, jusqu'au XVIIe siècle, l'unité de mesure des distances sera le rayon terrestre. On vous dira, la Lune est à 60 rayons terrestres, le Soleil est à 1200 rayons terrestres. Donc c'est vraiment une unité fondamentale à déterminer. Et les petites approximations qu'a faites Ératosthène, on pourrait chipoter en disant effectivement c'est pas le même méridien, il y a une approximation sur le tropique, on sait pas comment, il a pas tenu compte du diamètre apparent pour le Soleil, il y avait un effet de pénombre pour... Mais tout ça c'est négligeable en fait. Il faut pas avoir une vision trop moderniste de cette expérience de physique. C'est une astronomie assez simple finalement, et elle est parfaitement, elle donne un ordre de grandeur parfaitement acceptable. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de convertir le stade de l'époque en mètre. Donc il y a une petite incertitude, mais globalement, et ça qu'il faut bien voir en physique, il a un ordre de grandeur absolument parfait. La ligne droite appartient à notre misérable Terre. La ligne courbe est céleste et divine. Le cercle, dont tous les points sont toujours à la même distance du centre, est une merveille. Et la sphère est la merveille des merveilles. La sphère est à l'image de la Sainte Trinité. Le Père est au centre, le Fils à la superficie et le Saint-Esprit réside entre le centre et le pourtour. Elle est la perfection mathématique incarnée. Et c'est pour cela que Dieu l'a choisie comme modèle de l'univers, qui a la forme d'une grande sphère, au sein de laquelle des sphères plus petites portent et font tourner les planètes. Le fait que la Terre soit une sphère parfaite va s'imposer peu à peu. Alain Riage-Vello. Et va commencer à être légèrement discuté dans le courant du XVIIe siècle pour deux raisons. La première, c'est qu'au XVIIe siècle, Galilée invente la lunette astronomique. Pour la première fois, il arrive à observer le disque d'autres planètes. Et lui, ainsi que certains de ses contemporains, constate qu'il y a quand même deux planètes qui sont pas si rondes que ça, à savoir Jupiter et Saturne, qui présentent un léger aplatissement au pôle. Alors, l'effet est plus prononcé pour Saturne que pour Jupiter, mais il est plus facile à voir pour Jupiter que pour Saturne, parce que quand vous regardez Saturne, vous avez le regard happé par les anneaux, et donc du coup, vous ne faites pas attention au fait que la planète est légèrement aplatie. Donc, les planètes ne sont pas nécessairement parfaitement rondes, nous dit l'observation. Et Isaac Newton, quand en 1687, il publie les lois de la gravitation, explique qu'un objet qui ne tourne pas sur lui-même doit effectivement avoir une forme sphérique. Tous les constituants de la Terre s'attirent les uns les autres et vont faire qu'ils vont s'agencer pour minimiser leur distance relative, ce qui se passe quand c'est une sphère. Donc la Terre devrait être une sphère si elle ne tournait pas sur elle-même, mais elle tourne sur elle-même, ce qui fait qu'il y a une légère force centrifuge, qui est d'autant plus marquée que vous êtes loin de l'axe de rotation, donc près de l'équateur, qui va faire que les planètes vont être légèrement aplaties au niveau du pôle et légèrement renflées au niveau de l'équateur. Donc à partir de ce moment-là, tester la théorie de Newton peut se faire, entre autres, via la détermination que la Terre est, comme Jupiter et Saturne, légèrement aplatie au pôle, ce qui est une question qui va donner lieu à des débats parfois un peu houleux en France et ailleurs, puisque les idées de Newton ne sont pas immédiatement acceptées par tout le monde. Christian Huygens, par exemple, qui est un grand astronome néerlandais, qui est un des meilleurs opticiens de son temps, donc c'est-à-dire de la deuxième moitié du XVIIe siècle, lui a d'autres idées sur la gravitation, qui l'incite à penser que les planètes, ou en tout cas la Terre, devraient être plutôt allongées suivant son axe de rotation. Donc la question de savoir si la Terre est allongée comme un citron ou aplatie comme une mandarine, c'est un vrai enjeu scientifique. Et qui concerne directement les Français, puisque dès cette époque, les Français ont commencé à cartographier le territoire français. Donc ils ont essayé de mesurer la courbure de la Terre sur le méridien de Paris, qui en gros va de Dunkerque à Perpignan, avec des résultats un peu ambigus, selon lesquels la Terre serait peut-être plus incurvée du côté de Dunkerque que du côté de Perpignan, alors que d'après Newton, c'est le contraire. Alors ça va donner une querelle incroyable en Europe entre les Anglais d'un côté qui soutiennent évidemment Newton, qui dit que la Terre est aplatie au pôle, et de l'autre côté les Français, avec un successeur ici de Jean-Dominique Cassini, son fils Jacques Cassini, qui soutient au contraire que la Terre est aplatie à l'équateur. Donc ça fait des querelles incroyables, l'Académie des sciences s'en mêle, et du coup, on va décider d'envoyer des expéditions pour mesurer, pour trancher vraiment ce débat. On va envoyer une expédition dans le nord de l'Europe, en Laponie, ça va être Maupertuis, qui va mesurer 1 degré d'altitude en Laponie, et puis une expédition au Pérou extraordinaire, avec la condamine Bouguer, qui vont mesurer 1 degré d'altitude dans la région des Andes. Et du coup, on va s'apercevoir que c'est Newton qui avait raison, c'est-à-dire que la Terre est effectivement aplatie au pôle, c'est pas exactement une sphère, il y a une différence d'à peu près 21 km entre le rayon équatorial et le rayon polaire, et c'est Voltaire qui a très bien résumé tout ça, parce que Maupertuis est parti faire ses mesures en Laponie, ça n'a pas duré longtemps. Il s'est précipité à Paris pour revenir à l'Académie des sciences en disant « Regardez, j'ai prouvé que la Terre était aplatie au pôle ». Il a voulu s'attribuer tout le mérite en laissant évidemment ses pauvres collègues la condamine et Bouguer dans leur coin, qui sont arrivés beaucoup plus tard. Et Voltaire, qui n'aimait pas Maupertuis, qu'il appelait le grand aplatisseur, a dit « Vous allâtes en ces lieux pleins d'ennuis chercher ce que Newton découvrit sans sortir de chez lui ». Mais toujours est-il que ça confirmait la théorie de Newton, ça a été évidemment déterminant pour l'acceptation des théories de la gravitation newtonienne. Et effectivement, la Terre est légèrement aplatie au pôle, c'est ce qu'on appelle un ellipsoïde, grosso modo. Et il faut attendre l'ère des satellites artificiels, donc après les années 1950, pour qu'on mesure vraiment la forme de la Terre, qui a des bosses, qui est un peu cabossée, qui a des creux, et avec la notion de géoïde qui remonte à Gauss, et aujourd'hui on connaît parfaitement, au centimètre près pratiquement, la forme de notre planète. Recule. Avance. Doucement, tu es le soleil. Ne bouge plus. Voilà ce que nous avons vu hier. Des creux, des vallées, et les points lumineux dans la partie sombre, des sommets que le soleil touche déjà alors que les pentes et les vallons sont encore dans la nuit. C'est contraire à l'enseignement de l'Église, qui nous apprend que la Lune est une sphère parfaite, lisse comme un miroir, pure comme notre Sainte Vierge. Il vous faudra plus qu'une poterie pour nous convaincre. Elle est pareille à notre Terre. Une seconde Terre. Au moins, nous serons voilés quand les catholiques nous auront chassés de partout sur cette terre-ci. Vous dites n'importe quoi, nous vous tolérons malgré vos erreurs. Il plaisante. Pas du tout. Dieu nous a donné la Lune comme notre propriété. S'il l'a placée si près, c'est pour qu'on puisse y aller. Et on ira. Dès qu'on aura appris l'art de voler dans les airs. Dès l'Antiquité, la rondeur de la Terre est déjà prouvée. Pourtant, on dit qu'au Moyen Âge, la vision est celle d'une Terre plate. Comment expliquer cette régression au fil des siècles ? Cette idée paraît en fait réfutée par de nombreuses preuves documentées. Nous partons en compulsée à la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu à Paris. Je suis accompagnée par trois journalistes. Une conservatrice spécialiste des maps mondes y dévoile son cabinet de curiosités, truffé de globes et de cartes du monde. Alors, je m'appelle Catherine Hoffmann, je suis conservateur au département des cartes et plans depuis un bon nombre d'années. Et donc, ça va se passer dans ce qu'on appelle la salle des Vélins, parce que antérieurement, avant la rénovation du site, on y conservait, dans des grands meubles en bois de chêne, des cartes manuscrites sur Vélin. Voilà. Elles n'y sont plus, mais la salle conserve son nom. Et cette salle est ornée d'un très beau plafond à caissons avec des peintures de l'atelier de Simon Vouet, un peintre du roi du XVIIe siècle. On y voit aussi dans cette salle un magnifique globe de Coronelli, un globe qui fait à peu près un mètre de diamètre, qui a été réalisé donc à la fin du XVIIe siècle, qui est une réduction des grands globes que vous pouvez voir sur le site François Mitterrand, des globes de 4 mètres de diamètre, manuscrits, qui ont été faits pour Louis XIV. Voilà. Alors, on sait que le Moyen-Âge a longtemps eu une mauvaise réputation, une réputation d'obscurantisme pour des questions religieuses. Il faut battre en brèche ce cliché. Dès le haut Moyen-Âge, en fait, les connaissances antiques sur le monde, sur la Terre, ont été transmises par des auteurs comme Marcianus Capella ou bien Macrobe. Ils ont été copiés, glosés. Au XIIe siècle, de nouveaux savants se sont penchés sur ces œuvres et ont produit de nouveaux traités qui ont été souvent illustrés de schémas explicatifs. Et donc, on sait, dès le haut Moyen-Âge, que la Terre est une sphère, on la décrit comme une pelote, comme une balle. On sait également qu'elle comprend un certain nombre de zones climatiques, la zone torride au centre, les deux zones tempérées et les deux zones glaciaires près des pôles. Et on a des schémas, dès le Moyen-Âge, qui nous représentent ces maps-mondes qu'on dit en zone. Alors, là, c'est un fac-similé. Je suis désolée de vous décevoir, c'est un fac-similé d'une map-monde du XIVe siècle qui était renfermée dans un manuscrit français et qui représente donc la Terre divisée en 5 zones avec, dans l'hémisphère nord, la partie connue dans l'Antiquité, la Terre habitée, qu'on appelle œcumène ou bien terrarus orbis au Moyen-Âge. Et d'autre part, au-delà de la zone torride, vous avez une zone hypothétique qui est supposée habitable, mais dont on ne connaît rien à l'époque, puisqu'on imagine que sur la sphère, il y a 4 continents habitables qui sont séparés par des océans. Et on est tout à fait conscient, dès le Moyen-Âge, que la partie connue du monde n'occupe qu'un quart de la sphère. Alors, on peut s'interroger sur le fait, est-ce que ce savoir était partagé ou non ? À partir du XIIIe siècle, sont produits un certain nombre d'œuvres de vulgarisation, comme l'image du monde de Gossoin de Metz, qui présente les connaissances astronomiques, géographiques et les sciences naturelles en français à un public lettré, certes, mais un public assez large. Donc ce sont des connaissances qui sortent en fait du cercle restreint des savants et des clercs. Et c'est l'œuvre de Gossoin de Metz, l'image du monde, est illustrée de nombreux schémas qui illustrent ce thème de la sphéricité de la Terre. Vous en avez un qui représente deux personnages, deux hommes, au sommet d'une sphère, qui partent chacun dans des directions opposées et se retrouvent aux antipodes réunis. Et donc, c'est un schéma qui illustre de façon très visuelle la sphéricité de la Terre. Voilà. À partir du XVe siècle, en Occident, on redécouvre la géographie de Ptolémée, qui est un traité qui décrit le monde connu, qui va connaître une diffusion très très large sous forme de manuscrits, mais aussi c'est le premier ouvrage géographique qui va être imprimé. Première édition est de 1475, donc c'est un incunable, et la première édition avec des cartes date de 1477. Donc cette géographie de Ptolémée, elle est redécouverte alors que parallèlement, les Portugais, les Espagnols se lancent dans des voyages d'exploration. Et on peut dire que c'est une période, le XVe siècle, où finalement deux conceptions de la Terre vont se retrouver. La conception de l'œcumène antique, l'orbis terrarum, qui n'occupe qu'un quart de la sphère, et la conception d'une Terre totalement sphérique, puisque les voyages d'exploration vont permettre de sortir du cadre de l'œcumène antique et de découvrir de nouvelles terres, l'Amérique à la fin du XVe siècle et puis d'autres terres par la suite, qui vont nous faire prendre la mesure, en fait, de la sphéricité de la Terre, par l'expérience et non plus uniquement par la théorie. Et on vient de finir de la commémoration de la première circumnavigation, la première expédition qui fait le tour complet de la Terre, celle de Magellan, qui commence en 1519 et qui se termine en 1522, et qui apporte par l'expérience la preuve de cette sphéricité. Un océan infini, dont les cieux ne sont qu'un flocon d'écume. Sache que ce sont les vagues de l'amour qui font tourner la roue des cieux. Sans amour, le monde serait inanimé. Chaque atome est épris de cette perfection et se hâte vers elle. À chaque instant, retentit de tous côtés l'appel de l'amour. Si ce n'avait été par pur amour, comment aurais-je donné aux cieux l'existence? J'ai élevé cette sublime sphère céleste afin que tu puisses comprendre la sublimité de l'amour. Rumi, Soleil du réel, 1250. Cette odyssée scientifique nous est racontée essentiellement par les savants grecs. Mais ailleurs, comment pensait-on ce qu'on appelle le monde, de la Terre au cosmos ? Oui, on a tendance en Occident à se focaliser sur les Grecs et puis partir de là sur les Grecs, puis faire un grand saut et puis arriver à la révolution scientifique. Mais en fait, il s'est passé plein d'autres choses partout dans le monde. Yaël Nazé, astronome passionné d'histoire des sciences, élargit le spectre. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que chez nous un petit groupe qui faisait de l'astronomie. En fait, l'astronomie, c'est quelque chose qui a intéressé tout le monde de tout temps. On retrouve dès le début de l'histoire, par exemple, des calendriers qui sont déjà faits, déjà effectifs, ce qui montre bien qu'il a fallu les faire avant. Donc on a tout un ensemble d'indices qui montrent que les hommes préhistoriques faisaient déjà de l'astronomie, et pas seulement chez nous. On a des pierres dressées qui indiquent des directions astronomiques. Ben, on en retrouve en Chine, on en retrouve du côté de la zone péruvienne, on en retrouve chez nous, hein, en France, on en retrouve chez les aborigènes, on retrouve ça vraiment un petit peu partout. Donc il y a une connivence avec le ciel partout dans le monde. Il y a en fait quelques modèles cosmogoniques chinois qui sont connus. Donc il y a celui qu'on appelle le DCLS, où en gros vous avez une terre plate avec une espèce de coquille au-dessus, hein, le truc quelque part un peu classique, et ce dôme qui tourne une fois par jour, donc une vision assez évidente. Puis vous avez le modèle qu'on appelle sphère céleste, qui est lui plus comme un œuf, où en fait le ciel est la coquille, et le jaune c'est la Terre. Et puis, on a un dernier modèle qui est, lui, beaucoup moins utilisé, c'est vrai, mais qui existe aussi, qu'on appelle lumière et obscurité, à partir des termes hein, qu'ils utilisent, où là, on a un ciel assez vide, où vous avez des astres qui sont dispersés, qui flottent librement. Donc, il existe des visions, finalement, avec des accents très modernes, mais qui sont peu utilisées, peu discutées. En fait, toute la question est la similarité entre la Terre et le ciel. À quel point est-ce que la Terre et le ciel sont semblables? Et donc, ce qu'on voit dans le ciel est transposable à ce qu'on voit sur Terre. Si on prend les Grecs, justement, dans le système classique, celui d'Aristote, la Terre et le ciel n'ont strictement rien à voir. C'est pas les mêmes éléments. On a les quatre éléments classiques, la Terre, l'eau, l'air et le feu, qui sont sur Terre. Et les cieux sont un cinquième élément, la fameuse quintessence, qui est complètement différent. Et donc, quelque part, se dire « oui, mais ce que je vois dans le ciel est directement transposable », c'est pas nécessairement évident. Et donc, il y a parfois cette idée qu'on a des choses dans le ciel qui sont peut-être rondes, certes, mais que ça ne s'applique pas complètement à ce qui est la Terre sur laquelle on se trouve. Et c'est quand même un saut de pensée qui est assez grand à faire, quoi. Et d'avoir une Terre qui flotte aussi, c'est un petit peu particulier. Quand vous regardez autour de vous, il n'y a rien qui tient en l'air, quoi. Je veux dire, les oiseaux, s'ils ne battent pas des ailes, ils tombent, hein, soyons clairs. Donc, il n'y a rien qui tient tout seul en l'air. Et donc, se dire que finalement, on est sur une planète qui flotte librement, c'est perturbant. C'est quand même un grand saut dans l'imagination. Et donc ça... Certains vont le faire, ce pas-là, vont le franchir, mais finalement, ça va quand même être une minorité. C'est compliqué d'oublier, de ne pas avoir de soutien à cette Terre, que ce soit un disque, un carré, ou enfin, vous la mettez comme vous voulez, de ne pas avoir des piliers qui tiennent la Terre, et, ou qui tiennent le ciel, parce que évidemment, ça s'applique aussi au ciel, qui doit avoir un pilier, soit au centre, soit sur les bords, hein. De nouveau, on retrouve ça dans différents endroits. Mais il faut un soutien. Parce qu'on n'imagine pas les trucs qui flottent librement. Dans la pluralité des cosmogonies, comment va se construire un système du monde? Un modèle fondé sur des observations et des mesures précises pour expliquer le mouvement de la Terre et celui des planètes? Alors, un des ouvrages majeurs de l'Antiquité, c'est considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire des sciences, c'est l'Almageste de Ptolémée. Denis Savoie. L'Almageste, c'est la traduction arabe de ce texte grec, la composition mathématique. Donc Ptolémée, c'est le plus grand astronome, il travaille aussi à Alexandrie, il va écrire de nombreux ouvrages, et l'Almageste, si vous voulez, c'est vraiment un ouvrage qui fait la synthèse de tout ce qui a été fait auparavant, et qui met en scène des modèles géométriques, cinématiques, pour prévoir la position des planètes dans le ciel. C'est vraiment une explication de toute l'astronomie. Alors Ptolémée reprend un concept qui remonte pratiquement à Platon. Platon qui avait eu cette exigence, qui avait dit aux astronomes, sauver les phénomènes, sozain ta phenomena, comme on dit en grec, sauver les phénomènes à l'aide de mouvements circulaires uniformes. Parce que nous sommes dans l'Antiquité, et l'astronomie est absolument géocentrique. C'est-à-dire qu'on pense que la Terre est immobile, au centre du monde, et que tout tourne autour d'elle. Le Soleil, les planètes et les étoiles. Et donc, c'est dans cette vision géocentrique du monde que Ptolémée va construire ses modèles planétaires, qui fonctionnent très très bien. Ça veut dire qu'on est parfaitement capable de prédire, avec l'Almageste, dans quelle constellation se trouve une planète, quand tombera la prochaine éclipse de Lune ou la prochaine éclipse de Soleil. Donc ce sont des modèles extrêmement performants. Dans un ouvrage plus tardif, qui s'appelle « Les hypothèses des planètes », Ptolémée va imaginer une cosmologie, c'est-à-dire qu'il va là calculer les dimensions du monde. C'est absolument incroyable, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le seul astre dans l'Antiquité dont on connaisse bien la distance, c'est la Lune. La Lune, depuis au moins le 2e voire 3e siècle avant notre ère, avec des astronomes comme Aristarque de Samos ou Hipparque, on a mesuré sa distance en utilisant, disons, des méthodes géométriques assez simples. On utilise des éclipses de Lune et on sait très bien que la distance Terre-Lune, c'est 60 rayons terrestres. Donc Ptolémée, dans ce livre « Les hypothèses des planètes », propose son modèle du monde. Vous avez la Terre au centre et les planètes sont sur des orbes, on va qualifier de cristallines, porteuses, et c'est une structure de l'univers en pelure d'oignon. Et on trouve par ordre croissant, en partant de la Terre, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, et au-delà, les étoiles. Et Ptolémée dit, je vais essayer d'estimer la distance de la Terre aux étoiles. Alors, il utilise un raisonnement qui est assez simple. Il dit, bien voilà, je connais la distance Terre-Lune, donc c'est 60 rayons terrestres. Ensuite, ben, je vais dire qu'il y a l'orbe de Mercure, ensuite l'orbe de Vénus, l'orbe du Soleil. Il fait le même raisonnement pour toutes les planètes en reprenant ces modèles épicycliques de l'Almageste. Et finalement, il aboutit à la valeur de 20 000 rayons terrestres. Il dit, les étoiles sont situées à 20 000 rayons terrestres de la Terre. Donc c'est une, imaginez, une gigantesque sphère porteuse des étoiles qui tourne autour de la Terre en 24 heures pour expliquer la succession des jours et des nuits. Et ces autres orbes intermédiaires dans lesquelles il n'y a pas de vide, parce que le concept de vide est nié par les aristotéliciens. Et du coup, cette vision très géocentrique est évidemment totalement fausse, mais elle va perdurer jusqu'au moins au XVIe siècle, jusqu'à Copernic. Quant à la distance des étoiles, il faudra attendre la première moitié du XIXe siècle pour qu'on puisse la mesurer. Nous posons des questions, vous répondez. Nous nous ferons notre opinion, que nous transmettrons au grand tribunal, lequel décidera en conscience de ce qu'il doit faire. Mais qu'ai-je fait pour mériter cela ? Contentez-vous de répondre à nos questions. Et tenez-vous debout, Galilée. Est-il exact que vous pensez que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, comme l'a affirmé ce moine polonais fou du nom de Nicolas Copernic ? Comme vous ne l'ignorez pas, l'Église a établi que puisque l'homme est la création la plus achevée du Seigneur, il a été placé au centre du monde. La Terre immobile trône donc au centre de l'univers, et le Soleil, comme les autres planètes, tourne autour d'elle. Ce système a été démontré par de très illustres savants. Le grand Aristote d'abord, puis l'astronome grec Claude Ptolémée de l'école d'Alexandrie. Mon père, je n'ai en aucune manière et à aucun moment cherché à dénigrer le modèle de Ptolémée. Et jamais, jamais je n'ai mis en doute l'autorité sacrée de l'Église. Dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, il est important de savoir que le géocentrisme sera pratiquement jamais remis en cause. C'est-à-dire que toute l'astronomie va se développer en Occident et même dans le monde arabo-perse sur une Terre immobile avec tous les astres qui tournent autour d'elle. On a bien des astronomes qui vont mettre en évidence qu'il y a des anomalies dans ce système de Ptolémée. Ce système de Ptolémée-Aristote, on va dire. Chose qui ne colle pas. Et l'astronomie, à la fin du Moyen-Âge, est dans une impasse. On n'observe pratiquement pas. Mais il y a un renouveau qui débute à partir du XIIe, XIIIe siècle en Occident, avec le mouvement de traduction, la redécouverte des anciens. Et finalement, avec l'étape astronomique aussi, on va se lancer dans une remise en cause de ce géocentrisme avec un personnage majeur, qui est Nicolas Copernic, donc qui naît en 1473, et qui va faire des études d'astronomie à Bologne, et début XVIe siècle, vers 1510, qui va proposer une hypothèse qu'on appelle héliocentrique, c'est-à-dire qu'il va dire non, ce n'est pas la Terre qui est au centre du monde et les planètes qui tournent autour d'elle et le Soleil, c'est le contraire. C'est le Soleil qui est au centre de l'univers, et ce sont les planètes qui tournent autour du Soleil. Et ce faisant, Copernic est obligé de mettre la Terre en mouvement. Et il attribue à la Terre deux mouvements. D'abord, un mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil, pour expliquer les saisons. Et d'autre part, il est obligé de mettre la Terre en rotation sur elle-même en 24 heures. Alors c'est évidemment un changement énorme du statut de la Terre, qui perd son rôle privilégié. On ne sait pas, on ne sait toujours pas aujourd'hui, au XXIe siècle, ce qui a donné l'idée à Copernic de mettre la Terre en mouvement. Il a eu des précurseurs, il le dit lui-même, les pythagoriciens, Philolaos, etc. Mais ce sont des gens plutôt qui ont parlé d'un feu central autour duquel tournaient la Terre et le Soleil. C'est pas du tout l'héliocentrisme. Quant à l'idée héliocentrique d'Aristarque de Samos, qu'il a émise dans l'Antiquité, donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Copernic n'a pas pu connaître cette hypothèse parce que elle est connue du monde savant qu'en 1544, temps lorsque un ouvrage d'Archimède, l'Arénaire, est traduit, et c'est dans l'Arénaire d'Archimède que l'on trouve cette hypothèse héliocentrique d'Aristarque de Samos. Toujours est-il que c'est quelqu'un qui a cette idée quand même que les planètes tournent autour du Soleil. Au début, il garde ça pour lui. Il va mettre au point son système. Il va mettre beaucoup de temps, parce qu'il ne fait pas que ça toute la journée, Copernic. C'est un chanoine et il a plein d'occupations. Il est totalement isolé, c'est-à-dire qu'il est en dehors des grands centres intellectuels de l'Europe. Il est en Pologne, à côté, à Frombork, qui est une petite ville. Hein. Et il va voir, lui aussi, il aboutit à une impasse. Et heureusement, en 1539, un jeune et brillant astronome, qui s'appelle Joachim Reticus, quitte Nuremberg pour venir le voir. Il a entendu parler d'un certain Copernic qui avait déjà fait circuler autour d'un cercle d'amis très restreint ses hypothèses héliocentriques. Et Reticus arrive chez Copernic et il a en cadeau de bienvenue une traduction grecque de l'Almageste. Car il faut bien savoir une chose, c'est que Copernic finalement travaillait sur les modèles de Ptolémée, c'est-à-dire en quelque sorte un changement de repère, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre la Terre au centre, il met le Soleil au centre, il met la Terre en mouvement, mais il travaillait sur une traduction arabo-latine de Gérard de Crémone, très mauvaise. Et le fait d'avoir ce texte grec pur en 1539, et Reticus, qui était mathématicien brillant, un super bon helléniste, va débloquer la situation, et finalement, ils vont publier l'ouvrage, enfin, Copernic publie son ouvrage en 1543, l'année de sa mort. C'est plutôt Reticus qui s'occupe de son impression, même s'il ne peut pas la suivre jusqu'à la fin. Et donc, est publié à Nuremberg le De Revolutionibus, qui est une bombe, entre guillemets, dans laquelle Copernic fait une préface. Il s'adresse au pape Paul III, dans laquelle il dit, d'abord, en première page, il dit que nul ignorant la géométrie n'entre ici. Ça veut bien ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que les philosophes et les théologiens, c'est pas pour vous, ça s'adresse aux mathématiciens. Le De Revolutionibus est en quelque sorte un nouvel Almageste. Il suit à peu près la même structure. Il est en 6 livres. C'est un ouvrage très technique. Mais dans le premier livre, c'est là qu'il expose sa cosmologie. Et il dit, la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil en un an, comme les autres planètes. Et évidemment, la grande majorité des astronomes au XVIe ou XVIIe siècle sont des Coperniciens. Et deux d'entre eux sont majeurs, Galilée et Kepler. Et c'est eux qui vont assurer en partie son triomphe. Mais c'est vrai. Ça se déplace. Mais vous avez raison, Galilée. C'est un satellite de Jupiter, Éminence. Jupiter est un satellite ? Oui. Il y en a un second, de couleur brune. Ah, il paraît immobile, celui-là. Regardez donc, mon cher Bellarmine. C'est extraordinaire. Et tout cela nous était inconnu. Mais quelle merveille. C'est la planète Jupiter que je vois, rayée comme un tigre. En effet. Ses couleurs rougeâtres, brunâtres, et là on dirait des nuages, comme autour de la Terre. Il faut que nous changions notre enseignement du tout au tout. Deux satellites à Jupiter, l'un qui bouge, l'autre immobile. En réalité, Éminence, il y a non pas deux, mais quatre satellites autour de Jupiter. Quatre. Et chacun tourne à son propre rythme, certains rapides, d'autres très lents. Quatre satellites autour de Jupiter. Comment expliquez-vous ça? Je n'explique pas, Éminence. Je le constate. L'observation précède toujours l'explication. Il faudra tout de même une explication. Oui, quand nous aurons compris. C'est vrai, ces satellites de Jupiter me fascinent. Quatre petits astres tournant autour d'un gros. Oui, je vous comprends. Le ciel est à l'image de la Terre. Oui, ou bien le contraire. N'hésitez pas à tout remettre en cause. Votre lunette a mis la science en dessus-dessous. N'aurais-je pas d'opposants? Et qui donc? Les partisans des idées anciennes. Il y en a même dans l'Église. Nous, jésuites, nous vous aiderons. L'Église est moins conservatrice qu'on ne le dit. Allez-y hardiment. L'Église doit porter le savoir. Ayez confiance en l'Église et en nous. Alors Galilée, c'est un copernicien. Il va enseigner à ses élèves et puis à ses cours magistraux que la Terre tourne autour du Soleil. Et il va être dénoncé à l'Inquisition une première fois et condamné en 1616, entre guillemets. Je dis condamné parce qu'en fait, c'est l'héliocentrisme qui est condamné en 1616. Donc là, Galilée va faire un peu profil bas. Et l'arrivée au pouvoir en 1624 d'un de ses admirateurs, Maffeo Barberini, qui va devenir pape sous le nom de Urbain VIII, va faire que Galilée se croit autorisé à parler plus librement de l'héliocentrisme. Et donc en 1632, il va publier le Dialogo, le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, dans lequel il prend fait et cause évidemment pour Copernic, pour le mouvement de la Terre autour du Soleil, en pensant que les marées notamment sont une preuve que la Terre tourne autour du Soleil. Sans quoi il se trompe, et vous connaissez la suite, Galilée sera traduit devant l'Inquisition et condamné en 1633 à la résidence forcée jusqu'à la fin de sa vie en 1642. Mais Galilée, qui est plus un physicien qu'un astronome, va aussi montrer que les théories aristotéliciennes sont erronées. Et sa découverte la plus importante, c'est évidemment lorsqu'en 1609-1610, il pointe pour la première fois une lunette astronomique vers le ciel. Il montre par exemple que la Lune, c'est pas l'astre parfaitement lisse et parfait qu'on décrivait dans les ouvrages. Il montre surtout que autour de la planète Jupiter, il y a des lunes qui tournent autour, qu'on va appeler d'abord les lunes médiciennes, que Kepler va appeler satellites, parce que c'est lui qui a inventé le mot, les satellites galiléens, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Et ça, ça prouve quelque chose. Ça prouve que, contrairement à ce que disait Aristote, la Terre n'est pas l'unique centre des rotations dans l'univers. Et avec Galilée, c'est pratiquement la fin de la physique aristotélicienne. Et là, en quelques nuits, il révolutionne l'astronomie. Puisqu'on n'a pas eu l'éclipse malheureusement, ouais, on a quand même eu la chance de voir deux planètes entre deux nuages. Mais c'est tout ce qu'on verra ce soir, j'ai bien l'impression. Qui veut voir Jupiter et ses satellites? Si vous voulez voir, là vous verrez peut-être les trois satellites de Jupiter qui sont de chaque côté de la planète en ce moment. Alors qui veut regarder? Après on regardera Saturne avec ses anneaux. C'est le dernier moment pour les voir parce qu'à la fin de l'année, on se trouvera dans le plan, on les verra plus. Le plus jeune astronome. En pointant la Lune avec sa lunette, Galilée fait un bond dans cette aventure astronomique. Un monde familier mais inconnu qui sera arpenté bien plus tard par les premières missions lunaires. Pour les aventuriers de l'espace, c'est comme si 1 million de coups de tonnerre s'abattaient autour d'eux. Bientôt, ils vont aller plus vite que le son. Apollo 11 est en route vers la Lune. Trois pionniers venant de la planète Terre s'en vont à la découverte d'un autre monde. Avec eux, ils emportent la vision de l'univers de l'anglais Newton, celle de l'astronome polonais Copernic, le courage de l'italien Galilée, les rêves du britannique H.G. Wells et du français Jules Verne. Ici, la base de la tranquillité, l'aigle s'est posé. La première chose que les premiers voyageurs de la Terre font, c'est de regarder par le hublot de leur véhicule et de raconter ce qu'ils voient sur la Lune. Ça ressemble à peu près à tout ce qu'on peut imaginer, comme forme, angle. Les couleurs varient beaucoup. Ça dépend de la façon dont on les regarde. Il ne se dégage pas, semble-t-il, de couleurs uniformes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rochers dans cette zone et qu'ils présentent des couleurs intéressantes, du moins pour certains d'entre eux. Puis ce sont les premiers mots de Neil Armstrong depuis la Lune. C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité. Nous sommes le 21 juillet 1969. Il est 2h56 GMT. Pendant des milliers d'années, les astronomes ont sillonné la Terre pour s'imaginer sa forme. Mais il leur a fallu s'envoler dans l'espace pour enfin pouvoir l'observer directement. Décembre 1968, l'équipage de la mission Apollo 8 observe pour la première fois la Terre depuis l'espace. Ronde et bleue, émergeant de l'obscurité. La veille de Noël, l'astronaute William Anders prend une photo devenue célèbre, Earthrise, le lever de Terre, offrant à l'humanité une nouvelle vision de notre Terre dans le cosmos. Get a color film, Jim? Hand me a roll of color, quick. Oh, man, that's great. Where is it? Quick. You saw me standing alone. Merci à Jean-Philippe Uzan, David Elbaz, Alain Riazuelo, Denis Savoie, Catherine Hoffman et Yael Nazé. Lecture, Arnaud Chéron. Traduction, Arjuna Andrade, Pierre Repère. Prise de son, Fabien Gosset, Yann Frécy. Mixage, Mathieu Tourin. Documentation, Annie Signoret. Documentation musicale, Antoine Vuilloz. Archivina, Anne Delaveau. Attachée d'émission, Marivonne Abolivier, Anaï Morales. Coordination, Perrine Carvran. Les cosmographes, L'œil par-delà les globes, un documentaire de Céline Lozen réalisé par Marie Placet. Beautiful shot.